faire. Cache la parole de travers et ta boîte pour Lucifer. Débuté par débiter ma rage, mais tu t'es ce qui m'encourage à prendre le gros million otage. Qu'on dit propos qui me ravagent. Des dérapages de Sarko, la rue est en colère. Des commérages du facho, on a la haine bien viscère. Des outrages du commissaire à qui on sert de bouc émissaire. C'est la hache de guerre qui se déterre. À tous ces profs qui t'ont fait passer plus bête que tu n'étais. La meilleure parole reste au silence, donc je me tais. L'échec me rend plus fort, 2-0, je remonte le score. Fin de corps sur la justice qui tacle à l'âge au corps. Corps sera la fille, plus dur sera qui s'ensuit. Dans notre patrie, égalité, donc y'a patrie. Pourtant couvert en souris et couvert en pâtis. Rien à foutre du ghetto, chacun défense à part ce garde. Les rages qui font des ravages, parce que dans ton dos écrit des pages. C'est pour ceux qui devant jouent les sages. Mais sache que, on le sait, commence le massacre. C'est pour les rages qui font des ravages, parce que dans ton dos écrit des pages. C'est pour ceux qui devant jouent les sages. Mais sache que, on le sait, commence le massacre. Tout dit, une histoire sans fin. La gomme est bouclée, on revient sur le terrain. Je m'en bats les reins, des jaloux y'en a un plein. Ça parle dans le dos et ça chante dans le frein. Bande de sales putes, j'ai resté intact. Vous verrez pas ma chute, mais toujours plus d'impact. Cric, cric, bon, mes rimes partent comme des balles. Teste mon crew et t'auras plusieurs trous de balles. C'est la guerre, on fera tout sauter. Mon armée déterre que des lascars tombés. Rompé avec un style plus développé. Trouvise mon effectif, dis-moi qui va le stopper. Ma pote, mais bouge pas de ta grotte. Sinon tu seras le prochain Dolgen qui flotte. Demande à Bice sur la suite de l'épisode. T'es pas un pote, mais une pute, lèche mes potes. C'est pour les rages qui font des ravages, parce que dans ton dos écrit des pages. C'est pour ceux qui devant jouent les sages. Mais sache que, on le sait, commence le massacre. C'est pour les rages qui font des ravages, parce que dans ton dos écrit des pages. C'est pour ceux qui devant jouent les sages. Mais sache que, on le sait, commence le massacre. Tout Jeep revient sur un son de guerrier. À ceux qui parlent mal, je les sors de leur terrier. Allez riez, vous pouvez crier, vous pouvez prier. Pour qu'on vous épargne, vous les rageux, on va vous crier. On m'a dit qu'une langue de pute avait parlé. Dans le but de nous descendre, je l'avais parié. Mais ce mec, tu sais pas, comme il est sans complexe. Quand il est devant moi, se prend pour mon pote et me check à l'inverse. Dans le dos il va fort, déblatère ses conneries. A raison ou à tort, alors jaloux, langue de pute rageux. Vos paroles servent à rien, même si c'est outrageux. Je n'en ai rien à foutre, je garde la tête haute. Je continue mon chemin, sans écouter les autres. Ceux qui nous veulent du mal, ceux qui parlent mal. Tu devrais fermer ta gueule, si fermé t'es pas capable. C'est pour les rages qui font des ravages, parce que dans ton dos écrit des pages. C'est pour ceux qui devant jouent les sages. Mais sache que, on le sait, commence le massacre. C'est pour les rages qui font des ravages, parce que dans ton dos écrit des pages. C'est pour ceux qui devant jouent les sages. Mais sache que, on le sait, commence le massacre.